la dernière épreuve, la dernière leçon, l'examen final, c'est juste ça. C'est juste ça. Tu peux pas dire à un enfant, t'es prêt à t'en aller. Et ben, il dit tout. Mais non, mais t'as pas de suite. Bon, c'est pas grave. Non, c'est tout, il manque ça, là. Quand l'enfant décide de sacrer son cœur, mais là, il a remarqué l'expérience. Là, il trouve qu'il est prêt. L'homme ne peut pas, exactement comme si vous disiez à votre maître qui doit être votre esclave, je suis prêt à être ton boss. Lui va dire non. La journée que tu vas dire, je suis peut-être pas prêt à être ton boss, mais toi, tu es prêt à être mon esclave. Nous avons une chicane, une petite guerre entre les deux. Hey, la matrone, alors, je renvoie l'autre demain. Ça permet premièrement d'avoir une mémoire hiérarchique. Elle est bosse elle-même un petit peu. Mieux vaut être le premier dans le village que le deuxième à Rome avec un cave. Mais elle aussi. Pas grave, c'est pas Dieu. Du moins qu'elle a au moins une fourmi commandée. Bonheur est là. Elle peut avoir de l'importance et du pouvoir. Lorsque la fourmi doit être, elle doit transformer, elle doit échanger les pouvoirs et elle, la fourmi, doit devenir puissante et non pas avoir du pouvoir. Alors, à un moment donné, ben, il est temps que l'être humain dise aux forces d'évolution qui sont régies par les forces d'évolution, je suis prêt. Mais lorsque l'être humain dit cela, on vient lui prouver qu'il n'est pas prêt. Et si l'humain ne lâche pas, on le libère. Il n'a plus à être soumis à l'évolution. Il ne voyage plus comme ça. En réalité, les humains évoluent pas comme ça, ils évoluent comme ça. Mais ils pourraient aussi avancer. Et dans toutes les directions. Il faut que l'homme, il faut que la femme, il faut que l'enfant soit suffisamment capable pour opposer un non. Pas un non émotif, un non catégorique exprimé par de l'intelligence. Quand ton patron ou quand tes parents te donnent un ordre stupide, on considère comme étant intelligent d'être capable de dire non, je ne le fais pas. Mais, orgueilleux finit par dire non, du moment que c'est le boss ou le parent qui parle. Moi, je vous parle d'un truc stupide. Ça prend un petit peu de quota, là, Hydro-Québec. Je vais aller me couper les fils de 3000 volts, là, parce que faut qu'on. Le mot dit, gars, on n'a pas besoin de gars, chier les manches, jusqu'à où tu vas aller. Mais tu dis au boss, tiens, fais les dons. Et le boss, il va te dire, hey, c'est moi le patron, c'est toi qui t'obéis. Sinon, je te mets à toi. Oh, tu dis au boss, bye-bye. Quand ta religion de ton fils lâche la compagnie. Alors, à un moment donné, l'homme doit être capable de dire non à l'ignorance et à l'inintelligence. Un dieu est-il apparemment inécologique? Refusez-le. S'il est le dieu, il viendra vous expliquer ses plans à un moment donné. Il n'y a pas un être divin par hasard qui aurait besoin d'être humain con. Un patron, il a besoin de personnes solides. Mais tiens des employés solides. Ben, évidemment. Quand tu passes devant un employé, il passe à Rolls-Royce, les employés, ça les motive à travailler. Il y en a un moment donné qui dit, là, moi, je peux rien savoir. C'est telle affaire qu'il faut connaître ça. Le boss qui est intelligent, c'est pas le faire, mais tu peux venir gérer. C'est pas le temps, moi. On fait plus de ça. Mais c'est un problème. C'est pas 2 ans après, puis le gérant qui est engagé, qui est en Rolls-Royce, qui fout tout le monde. Il va lui dire, t'as une raison de me donner, quand tu es venu me voir, tu m'as expliqué ce que tu aurais. Je t'ai remis le pouvoir là entre les mains, qu'est-ce que tu as fait avec? Si le gérant est dit, j'ai tout fait. J'ai voulu que les employés deviennent actionnaires. J'ai voulu leur donner, j'ai voulu qu'ils suggèrent des choses. Ça va, c'est les murs, je veux être Superman, Superwoman, Superboy, il veut le voir. Non, c'est pas intelligent. Quelqu'un comme ça veut pas de la puissance, veut pas d'intelligence, il veut du pouvoir.